Les participants au 5e Festival international en l'honneur des grands hommes de San ont visité le 17 août le musée de la guerre de libération de la patrie, le monument aux idées du jeté et le palais des enfants de Mangyongdae.